Eh, je m'en bats les couilles, vous avez grandi. Ici, c'est mon quartier. J'ai toujours fait manger les gens et ça sera toujours comme ça. Les grosses voitures, les belles meufs, les belles sapes, c'est toujours moi qui les ai eues. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'ancien. Nouveau riche, ça y est, tu t'es fait un nain. Nouveau délire, nouvelle équipe, t'es rentré dans le game. Viens entouré que les gars, équipe bang bang. Que les champagnes à la pleut, t'as fuck la MK. T'as le power, alléluia, t'as le power, alléluia. Un petit change de gova, maintenant qu'y a les dollars. T'as le talent, t'es respecté comme Vicky sous New York. Tous les soirs, tu prends les chambres, les bitches, t'es bouillant. La rue c'est éphémère, tu bras, tu crèves et on t'enterre. Faut faire son trou dans les endroits où on n'y voit pas clair. Tu dis, tu bras, tu vois, tu béton et tu fais ta paire. Tu ressors rien dans les poches, t'as pas un numéro gros du collègue. Et tu la tête, t'es trop déter, tu veux te refaire à 100%. Et ça depuis longtemps, tu sens gros sur les dents. Paire de gants et tout le monde tape la vente. Tu rêves de coupure de sang, faut faire un maximum avant que la clochette sonne. Car chacun fait son temps. Mais... Argenté, meuf, t'avais tout ce que tu veux. Moto comme au salon, t'avais tout ce que tu veux. Le pouvoir, les armes, t'avais tout ce que tu veux. Manger dans tous les plans, t'avais tout ce que tu veux. Argenté, meuf, t'avais tout ce que tu veux. Moto comme au salon, t'avais tout ce que tu veux. Le pouvoir, les armes, t'avais tout ce que tu veux. Manger dans tous les plans, t'avais tout ce que tu veux. Ses conditions s'en bat les couilles des gros tignés. En sursigné il continue. Plus d'argent t'as plus gros tué. Il envoie des gros véhicules. Et il y a des condamnés. Madame la juge est contenue. Mais l'envoie quand même cantiner. Tu perds la tête. Les 400 pas tu fais. Étonné du nom que la juge a dit. Tu penses à t'étouffer. Peine à deux chiffres. J'ai qu'à moitié. Tu ressors les pupilles noires. Après ta place les petits ont grandi. Donc dans l'alcool du chinois. Rien à foutre je regarde des gens. Fais manger la mif, fuck tous ceux qui t'ont négligé. Si jamais tu brasses, les ennemis verront forcément. Prépare la patate, après t'auras tous les allumés. Ton poteau va trahir, te donner, c'est pas qu'une légende. Trop naïf, tu pensais pas que tout ça pouvait arriver. Surveille tes arrières, car coup fatal viendra par devant. Le cœur noir, tête brûlée, sentiments remplis de sales idées. Argenté, meuf, t'avais tout ce que tu veux. Moto comme au salon, t'avais tout ce que tu veux.